Bonjour, bonsoir, vous êtes là? Prêt à passer un bon moment? À l'écoute du 91, Sorgé FM, la radio la plus proche de chez vous. C'est rendez-vous avec vous. Oui, rendez-vous avec vous, c'est une émission que vous propose Guy. C'est-à-dire moi, le mercredi, le dimanche et le lundi. J'en profite pour faire un tout petit coucou au marchand de meubles, il se reconnaîtra. Nous sommes ensemble pendant presque 2 heures. On va donc essayer de passer au mieux ce temps qui nous rassemble 3 fois par semaine. On y va? On y va. Avec une belle viennoise, on va laisser de côté Momenti Viennesi, l'indicatif de cette émission, pour entrer vraiment, vraiment dans le vif du sujet. C'est parti? C'est parti. Thank you.

est un boléro, un tendre méli-mélo, que l'on vit au cœur à cœur et en duo. La vie est un boléro, une histoire amoroso, et je veux te le dire ce soir. De ma chance, la vie est un boléro, un tendre méli-mélo, que l'on vit au cœur à cœur et en duo. La vie est un boléro. Une soirée entre amis, y a rien de meilleur sur terre pour chasser les soucis qu'un piano à bretelles qui joue des ritournelles et des refrains rétro. Quand on boit l'apéro, le vrai musette, c'est la recette pour s'amuser, faire la fête. Le vrai musette tient la vedette, il est le roi dans les guinguettes. Le vrai musette que joue Yvette, André Maurice, c'est chouette. C'est dur Pierrette, faire des conquêtes. Le musette c'est mieux qu'Internet. Il est la raison d'être des gens de 60 ans qui tournent la valse musette dimanche au thé dansant. Et dans toute la France, à l'île Marseille on danse, même au pays breton. Au son de l'accordéon, le vrai musette, c'est la recette pour s'amuser, faire la fête. Le vrai musette tient la vedette, il est le roi dans les guinguettes. Le vrai musette que joue Yvette, André Maurice, c'est chouette. Séduire Pierrette, faire des conquêtes. Le musette, c'est mieux qu'Internet. Ah oui, le musette, c'est bien mieux qu'Internet, ça c'est sûr. Mais bon, il faut les deux, quelquefois pour vivre, enfin pour vivre, en tout cas pour passer le temps. Comme qui dirait l'autre, une petite Java ? Oui, une toute petite Java. Bien plus que ça, on est unis comme mes dix doigts. Quand j'ai le blues, ils sont tous là, mes potes. Et quand on a besoin d'un coup de main, c'est un pour tous et tous pour un. Ils se mettent en quatre pour un copain, mes potes. Ils ont vraiment le sens de l'amitié, pas question de laisser tomber. Sur eux, on peut toujours compter, mes potes. On se fait les blagues comme des gamins, dans la musique, on s'amuse bien. Ce sont tous des bouts en train, mes potes. Dans tous les bals de nos belles régions, y a des accords d'accordéon, accompagnés par les flonflons, mes potes. Quand ils regardent tous les danseurs tourner, bouger au corps à cœur, ils sont heureux, c'est leur bonheur, mes potes. Une petite Java, ça remet le monde à l'endroit. Ils jouent pour vous à tour de bras, mes potes. Tous vaccinés au balade, papa, toujours en forme, je ne vous dis pas. Je leur dis merci d'être avec moi, mes potes. Piano piano, come un giorno che muore, dolcemente, come nasce un bel fiore. Lentamente, lei ha preso il mio cuore, dolcemente, non so più come fare. Quanto è bella, sembra uscita da un sogno. Quante donne da far girare ogni uomo. E di lei mi sono innamorato, sto volando in un cielo infinito. Che strano uno sguardo di donna che ti dà la febbre, come un volo di rondini ci porta lontano da te. Come un giorno che nasce ti mette il sole nel cuore. Quando si è innamorati la vita è più bella che mai. Piano piano, come un giorno che muore, dolcemente, come nasce un bel fiore. Lentamente, lei ha preso il mio cuore, finalmente, non so più cosa fare. Che strano lo sguardo di donna che ti dà la febbre, come un volo di rondini ti porta lontano da te. Come un giorno che nasce ti metti il sole nel cuore. Quando si è innamorati la vita è più bella che mai. Che strano uno sguardo di donna che ti dà la festa.

tantôt douce et joyeuse, tantôt vibrante de désir, ardente et capricieuse, triste au fond comme le plaisir. Rêve d'un jour, valse de rêve, valse d'amour, levant la main au soir exquis, son rythme m'appelle et j'obéis. Je veux écouter sa chanson, je veux voir de près un sourire, éprouver peut-être un frisson. Demain j'essaierai d'être sage, je veux être jeune aujourd'hui, il me faut prendre du courage, je vais ici. Repart. Ce soir, mon amour, c'est pour toi que je chante. Ce soir, pour toujours, je t'apporte mon cœur. Dis-moi sans détour de ta voix qui m'enchante. Dis-moi, mon amour, que tu veux mon bonheur. Le jour s'est enfui, l'amour me conduit, je viens te chercher dans la nuit. Mon ciel noir, voudras-tu, chère amante, voudras-tu ce soir exaucer mon espoir?

assurer ses entrechats. Dans une ambiance très sympa, on se prendrait pour des pachas. Encore une fois, tout contre moi, c'est la magie du tcha-tcha-tcha. Murmure-moi tous ces airs que tu chantes si bien, a cappella, de Brasilia à Cuba, de tcha-tcha. Tous les jours, on s'enivrera. Une musique éclair, rythmée de cloches et de maripa. Vous écoutez Sorgia FM, la radio la plus proche de chez vous, sur 91 MHz. Également sur 102.5. Sous nos sombreros, aujourd'hui c'est la grande fête dans la ville. Dans toutes les rues s'attroupent les badauds, où l'on attend cette fête subtile. Les cris de la foule qui montent crescendo, 2000 feux sous le soleil qui brille. Encore une fois dévalent les taureaux dans ce couloir du centre de Séville. On a tout pour réussir la fête, la bonne humeur, une joie de vivre, de belles robes pour toutes les midinettes. Amusons-nous dans ces fêtes tardives, au son des tambours et des castagnettes, accompagnés des mélodies des cuivres. Tard dans la nuit résonne la retraite, en attendant le lendemain la récidive.

c'est avec Trompettissimo que l'on se sépare, pas tout à fait, mais en tout cas que la première partie de cette émission se termine. Alors, on va rester encore ensemble, hein, puisque nous avons encore une petite heure devant nous et nous allons essayer d'en profiter au maximum. Quelquefois si douce, quand la vie me touche, comme nous tous, alors si douce, quelquefois si dure. Que blessure longtemps me dure, longtemps me dure. Femme, je vous aime. Quelquefois si drôle, sur un coin d'épaule, oh oui, si drôle, regard qui frôle, quelquefois si seul. Parfois, elle le vole. Oui, mais si seul. Oui, mais si seul. Quand nous jouions à la marelle,

Vous êtes toujours là? Bon, eh bien, si vous êtes toujours là, on va continuer. Mike Brandt, donc, on se retrouve par hasard. Et puis, moi, j'ajouterais, et surtout, ne m'oublie pas. Le mal Vous écoutez Sorgia FM, la radio la plus proche de chez vous, sur 91 MHz. Également sur 102.5. J'ai souvent marché, souvent cherché pour te trouver. Et j'ai crié pour t'appeler. J'ai souvent pensais que je pourrais te l'avouer, mais je n'ai jamais osé. Qui pourra te dire combien je t'aime? Qui pourra te dire combien je t'aime? Qui pourra te dire combien combien je t'aime. J'ai souvent cherché à dévoiler tous nos secrets, à te dire la vérité. Je t'ai désiré de tout mon corps, de tout mon cœur. Je croyais que tu comprends. Eh oui, qui pourra le dire, qui pourra. Ben moi je vous le dis, hein. Ben oui, je vous aime, je vous aime. Et puis voilà, et puis l'affaire est conclue. Et si elle n'est pas conclue, eh bien tant pis. Allez, on y retourne. Ça va pas être terminé. Encore deux titres. Allez hop, et puis après, on retrouvera le quart d'heure italien. Je vous le prépare. Une qu'une fleur, rien qu'une rose. Que j'ai cueilli pour toi. Cette fleur, cette rose, de me dire tant de choses, du vrai bonheur d'autrefois. Une fleur, rien qu'une rose. Si belle entre tes doigts. Je n'ai pu te garder auprès de moi. Et ton amour me glisse entre les doigts. Ne peux-tu te souvenir de nos serments d'avenir? Une fleur, rien qu'une rose, que j'ai cueillie pour toi. Cette fleur, cette rose, te redire tant de choses, du vrai bonheur d'autrefois. Une fleur, rien qu'une rose, si belle. Tes doigts, cette fleur et cette rose, dira mieux que je me l'ose, toute l'envie que j'ai de toi. Une fleur, rien qu'une rose. J'ai cueilli pour toi. Cette fleur, cette rose, de me dire tant de choses, du vrai bonheur d'autrefois. Une fleur, rien qu'une rose, si belle entre tes doigts. Je n'ai pu te garder auprès de moi. Et ton amour me glisse entre les doigts. Ne peux-tu te souvenir de nos serments d'avenir? Et puis mourir d'aimer. Une fleur, rien qu'une rose. J'ai cueilli pour toi. Cette fleur, cette rose, te redire tant de choses, du vrai bonheur d'autrefois. Une fleur, rien qu'une rose, si belle entre tes doigts. Vous écoutez Sorgia FM, la radio la plus proche de chez vous, sur 91 MHz. Également sur 102.5. Allez, ça va être la toute dernière pour cette deuxième partie de l'émission. Et après, ce sera le quart d'heure italien que vous attendez tous et tous. Ah oui. Ah, il va être pas mal ce soir. Ce soir, demain à midi, demain soir, après demain à midi. Et puis voilà quoi, c'est tout simple. Il n'y a rien de plus simple. C'est parti. Mmh. C'était l'année où Johnny chantait que je t'aime. J'écrivais mes premiers poèmes à la terrasse d'un vieux café. C'était l'année où Joe chantait l'été indien. Premier slow et premier chagrin. Je n'ai rien oublié. Nos amours cassés sont dans la tournée. Cette année-là, Sardou chantait 10 ans plus tôt. Je révisais mon bac de philo sur l'oreiller d'Alexandra. Cette année-là, Clo-Clo chantait le mal aimé. Je voulais tout révolutionner pour les yeux bleus d'Elsa. Nos amours cassés sont dans la cour d'un lycée, dans les lumières d'un flipper. Nos amours cassés, c'est une plage abandonnée où on a marché des heures. Nos amours cassés, c'est un prénom oublié, une mélodie dans le cœur. Nos amours cassés, c'est un parfum mélangé d'adieu et de forever. Nos amours cassés. Nos plus belles années sont gravées dans des lettres qu'on écrivait la nuit en secret, en cachette. Est-ce qu'elles les ont gardées dans leur cœur, dans leur tête? Nos amours cassés sont dans la cour d'un lycée, dans les lumières d'un flipper. Nos amours cassés, c'est une plage abandonnée où on a marché des heures. Nos amours cassés. Allez, ça va être le quart d'heure italien, et ce quart d'heure italien va être tout dans le rétro. Ah oui, pas dans le rétroviseur. Non, non, non, non, non. Tout dans le rétro, tout simplement. Luna che splendi nel cielo, stanotte ti voglio parlare. Ciò che non so dire a lei, mamma luna, lo voglio cantare. Non so trovare il coraggio per dirle che io l'amo tanto. Ma questa notte alla luna dal mondo lo voglio cantare. Dammi una rosa, la porterò sul cuore, mi parlerà d'amore, mi parlerà di te. Sento felice perché so che lei mi ama tanto. Voglio gridare alla luna dal mondo che sono contento. dolce profumo di fiori, profumo di rose di maggio. È primavera di rose, di vita e di sogni d'amore. Dammi una rosa, la porterò sul cuore, mi parlerà d'amore, mi parlerà di te. Del primo amore, non ti scordar di me. Del primo amore, non ti scordar di me, non ti scordar di me. Cette chanson-là, je m'en souviens, ma mère la chantait, c'était il y a quelque temps, tout simplement. Ouais, belle chanson, donne-moi des roses. Questo è il valzer degli sposati, questo è il valzer dell'amore, che si balla in tutte le case, con la moglie cuore a cuore. Questo è il valzer del matrimonio, dell'amore che viene e che va. Chiudi gli occhi e non pensare, quel che conta è la felicità. Di mia moglie son contento, l'ho sposata e non mi pento, qualche volta alza la cresta, ma vuol bene solo a me. Se tua moglie è bella e buona e comanda da padrona, china il capo e non parlar, devi solo lavorar. Viva! Mentre lui pesca, lei fa l'amore. Viva la moglie del ciclista, lei fa i capricci, lui correntista. Viva la moglie del suonatore, lontan dagli occhi, lontan dal cuore. Viva la moglie gelsomina, con tutti quanti fa la cretina. Se l'hai preso troppo bella e fa qualche scappatella, vuol dir che hai scelto bene e che a tutti dà piacer. Se una volta t'ha tradito, devi fare il buon marito. Alla fine credi a me, viene a letto anche con te. Viva la bastone. Viva la moglie romagnola, senza l'amico si sente sola. Viva la moglie del Don Giovanni, che si difende col battipanni. Viva la moglie generosa, povero uomo chi se l'è presa. Questo è il valzer degli sposati, questo è il valzer dell'amore, che si balla in tutte le case, con la moglie cuore a cuore. Questo è il valzer del matrimonio, dell'amore che viene e che va. Chiudi gli occhi e non pensare, quel che conta è la felicità, quel che conta è la felicità. Voilà, que de l'accordéon. Ah oui, que de l'accordéon. Alors, si je vais dire ça à mes copains italiens, par exemple, j'en connais pas mal, des musiciens, je parle. Eh bien, si je leur dis il faut plus mettre de l'accordéon dans vos musiques, ils vont dire mais on va faire quoi alors? Eh oui, et on va faire quoi alors? Il y a plein de choses à faire avec l'accordéon. La vioule, et c'est parti. Questa città, fra le luci d'oro sotto lo splendor della luna, mentre nell'oscurità cercano in amor forse mille cuor la fortuna, e fra i baci più tenaci ogni amante sospira così. Vieni con me, o bella bimba bruna, in cerca di fortuna sotto le stelle d'oro. Vieni con me, che al suon d'un organino io ti sarò vicino, sempre vicino al cuore. Brillano tutte tremule stelle languide che sorridono, guardano e ci dicono su baciatevi con ardor. Vieni con me, o bella bimba bruna, in cerca di fortuna sotto le stelle d'oro. Nel tenebro, tanto bene o mal, se non c'è un fanal c'è la luna, e nel suo tenue balio io non cercherò, io non amerò più nessuna. Con le stelle sentinelle io ti stringo più forte al mio cuore. Vieni con me, o bella bimba bruna, in cerca di fortuna sotto le stelle d'oro. Vieni con me, che al suon di un organino io ti sarò vicino, sempre vicino al cuore. Brillano tutte tremule stelle languide che sorridono, guardano e ci dicono su baciatevi con ardor. Vieni con me, o bella bimba bruna, in cerca di fortuna sotto le stelle d'or. À ce propos, je voudrais tout simplement dédier cette chanson, la chanson qui va suivre dans quelques secondes, à tous les musiciens. Les musiciens, vous savez, à ceux que l'on connaît, à ceux que l'on ne connaît pas, qu'ils soient français, qu'ils soient italiens, qu'ils soient du monde entier. Parce que ces personnes, ces gens-là, eh bien, nous font rêver. Et quand ils nous font rêver, c'est vraiment du rêve. Parce que avec leurs chansons, bien souvent, qui nous parlent d'amour, qui nous parlent aussi quelquefois de leur vie, tout simplement, eh bien, on leur doit bien, de temps à autre, un petit coucou. Et je voudrais en même temps remercier aussi Lulu. Elle se reconnaîtra. Pourquoi ? Eh bien, tout simplement parce que c'est elle qui m'a donné cette idée. Et voilà une chanson que l'orchestre va jouer et qui nous parle de leur vie à eux. Chilometri e chilometri da non poterne più, a volte diamo i numeri se ci sentiamo giù, ma quando poi si accendono le luci su di noi, stanchezza e solitudine non le sentiamo mai, gli applausi dalla carica, la gente dice sì, e noi ci diamo l'anima, è bello stare qui, le facce si trasformano e come per magia, e questa è la mia vita, la più bella che ci sia. La vita del suonatore, avanti tutta pelle signore, innamorato in permanenza dell'amore, non facciamo senza. La vita del suonatore, mi ama tutte con tanto amore, e noi sogniamo i vostri occhi, ma per favore nessuno tocchi. Non si parla di dormire fino a quando non si sa, c'è chi canta sopra il pullman, c'è chi dorme quando può, c'è chi è troppo innamorato, sta in disparte e pensa a lei, l'ha incontrata giù in balera e non la può scordare mai, eri proprio la più bella e ballavi più che mai, dammi presto il tuo telefono, domani chiamerei, o se vuoi il tuo indirizzo, io sul cuore lo terrò, io sento già ad amarti. Anche tu mi ami un po'. La vita del suonatore, avanti tutta bella signore, innamorati in permanenza dell'amore, non facciamo senza. La vita del suonatore, nessuno tocchi. La vita del suonatore, mi amo tu. Dedicatissima col cuore questa canzone, con tanto amore. Vous écoutez Sorgia FM, la radio la plus proche de chez vous, sur 91 MHz. Également sur 102.5. Senti l'orchestrina tra una danza americana che strimpella una mazurca dall'aria paesana, pensi allora alla quadriglia d'un bel tempo che passò, quando usava la pariglia attaccata all'andò, quando c'erano i tanghi e i fostrò, alla mazurca che ballava la mia nonna, con le trecce a penzoloni e con i mutandoni sotto la sua gonna. Quando mio nonno, per baciare la sua mano, non usava la scaletta ma la bicicletta fino al primo piano. I giovincelli, di vent'anni o poco più, com'eran belli, coi baffoni per l'insù. Alla mazurka, d'un bel tempo assai lontano, quando prima di sposarsi stavano a guardarsi con le mani in mano. Or si balla la carioca, il sassofono rimbomba, ma mio nonno suona ancora il grammofono a tromba. Pensa ahimè con nostalgia all'antica gioventù, quando allora ogni Maria non era Mariù. Com'era bello quel tempo che fu, alla mazurka che ballava la mia nonna, con le trecce a penzoloni e con i mutandoni sotto la sua gonna. Quando mio nonno, per baciare la sua mano, non usava la scaletta ma la bicicletta fino al primo piano. I giovincelli di vent'anni o poco più, come eran belli coi baffoni per l'insù. Alla mazzurca d'un bel tempo assai lontano, quando prima di sposarsi stavano a guardarsi con le mani in mano. Di vent'anni o poco più, come eran belli coi baffoni per l'insù. Alla mazzurca d'un bel tempo assai lontano, quando prima di sposarsi stavano a guardarsi con le mani in mano. Eh oui, nous sommes bien dans le quart d'heure italien sur le 91 et sur le 102.5 de Sorgia FM, la radio la plus proche de chez vous. Quante cose in Italia sono belle, cielo e mare, la luna, le stelle. Le città, le campagne, il suo vino, fan l'Italia d'Europa il giardino. Ma però fra le cose più belle, le ragazze sian queste che quelle, son carine, gentili e graziose, sono nate per fare l'amor. Le ragazze italiane, profumate come i fior, sono belle come le stelle, sono nate per fare l'amore. Da Trieste a Venezia è un incanto, da Verona a Milano altrettanto. Se d'inverno c'è un poco di nebbia, in estate si miete, si trebbia. A Torino, a Bologna, a Turrita, si lavora, si studia, c'è vita. Le ragazze sian bionde che brune, sono belle, san fare l'amor. Le ragazze italiane, profumate come i fior, sono belle come le stelle, sono nate per fare l'amor. A Firenze c'è l'Arno d'argento, Roma eterna è un sol monumento. Capri il sole che gran meraviglia, altro incanto Sardegna e Sicilia. Tutto è bello, le spiagge, i laghi, c'è di tutto se compri e se paghi. Le ragazze però soprattutto sono belle, san fare l'amor. Le ragazze italiane, profumate come i fior, sono belle come le stelle, sono nate per fare l'amor. Rassurez-vous, hein, il n'y a pas que les filles italiennes qui sont belles, les françaises le sont aussi. Et je m'y connais. Non, j'ai les chevilles qui enflent, mais bon, ça fait rien de temps en temps. Il faut bien, bien tout simplement se faire un tout petit peu plaisir. Non ? Ça vous dit pas ? Allez, c'est parti. Vous écoutez Sorgia FM, la radio la plus proche de chez vous, sur 91 MHz. Également sur 102.5. Pour toutes les mamans du monde. la rondine a primavera va in cerca del suo nido, io sto cercando lei. Lei la sola donna al mondo che sempre sa capire, che sempre ti è vicino. Se un amico se n'è andato, un amore si è perduto, il suo cuore è con te, è il cuore della mamma che non ti abbandona mai. Mamma, mamma, per te questa canzone, per dirti che ti voglio tanto bene. Tra i fiori, mamma, tu sei il più bello, il sentimento tuo è il più forte. Ricordo quando tu mi cantavi la ninna nanna, oggi io canto a te la più bella serenata. Ai tuoi capelli bianchi, agli occhi tuoi sinceri, con tutto il mio affetto, mamma, ti voglio bene. C'était pour toutes les mamans du monde, pour celles et ceux qui ont encore la chance eh bien, de l'avoir auprès d'eux. Et puis aussi pour les autres, pour toutes celles et tous ceux que leur maman eh bien, les regarde tout simplement depuis là-haut. La nebbia avvolge la terra che non mi dimentico più. La mia Lombardia, ogni giorno mi torna nel cuore, è la terra del mio amore, è ancora casa mia. Ricordo i prati in fiore, le fanciulle che mietono il grano, cara Lombardia, ora ti sono lontano. Verde Lombardia, un giorno ritornerò. Caro amore, se io penso alla Madonnina che guarda dall'alto Milano, sai, mi sento stringere il cuore. La mia Lombardia ogni giorno mi torna nel cuore, è la terra del mio amore, è ancora casa mia. Ricordo i prati in fiore, le fanciulle che mietono il grano, cara Lombardia, ora ti sono lontano. Verde Lombardia, un giorno ritornerò. Voilà, c'est fini. Je vous aime, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Et vous, les femmes, je vous embrasse partout, partout, partout, partout. Sorgia FM, la radio la plus proche de chez vous.